Je ne me sens pas fatigué, je pourrais nager des années. Ma route est lente mais précise, je m'en vais vers la banquise. Je dis adieu au Kerguelen, je suis la dernière baleine. L'année dernière, j'avais quitté les eaux de l'océan Indien. Entrer en Méditerranée à la recherche de quelqu'un. Mais je n'ai pas trouvé celui qui m'avait fait ce beau petit. Maintenant je vois des cargos venus du Cap ou de Rio. Du haut des grandes passerelles, ils me regardent à la jumelle. Ce n'est pas qu'ils soient bien méchants, mais ils m'ont tué mon enfant. Et je remonte vers le nord, ma route mène au Labrador. Ça sort quelques baleinières, mais je n'ai pas l'âme en colère. Ils pourront ranger leur harpon, se faire charpentier ou maçon. Déjà l'entrée du Saint-Laurent, adieu mes vastes océans. Je crois un grand banc de morue qui fuit la poche d'un chalut. Elle me regarde sans savoir quelles sont les dernières à me voir. Et c'est la fin de mon voyage, ici termine mon sillage. Banquise blanche comme moi, je viens mourir auprès de toi. Mais pose un voile sur la plaine de la dernière baleine.